I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, n'est-ce pas? Un billet de papier, c'est une pierre tombale. 6 000 auteurs, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas? Cette lutte avec le papier est vraiment très, très pénible. La bibliothèque est un legs, où des livres apparaissent, où d'autres disparaissent. C'est l'écumage de l'esprit qui prend une forme matérielle. La question de l'espace dédié aux livres est souvent source de problèmes, et celle-ci émerge donc une nouvelle fois aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas que la question de l'espace efface celle du temps. Le caractère incompressible du temps est le grand ennemi des listes de lecture. Aujourd'hui, les livres à travers le temps, ou l'héritage, la diversité dans la lecture, un club de lecture, et la lutte sociale. Épisode 5. Buffy Mars. Donc là, on est dans mon salon. Et dans mon salon, il y a une petite bibliothèque qui a changé plein de fois de place. À la base, elle n'était pas ici. Elle était à l'opposé, en fait. Et je l'ai tout le temps déplacée, et quand elle est venue de ce côté-là de la pièce, à côté de la fenêtre, je l'ai mise plein de fois de différentes manières, tournée vers la fenêtre, tournée vers mon canapé, parce qu'en fait j'arrivais pas à lui trouver trop de sens et de direction, et c'était assez relou, parce qu'en fait il y a un moment je me suis rendu compte, quand elle était de l'autre côté, que j'avais jamais mes livres à disposition rapidement. Et donc il y a un moment, quand elle allait arriver là, je me suis dit c'est peut-être le moment en vrai pour que quand je sois assise sur mon canapé, je puisse prendre directement les bouquins et les voir tout le temps. Et je pense que ça va faire même pas un mois que je vois vraiment mes livres constamment sous mes yeux, et c'est quand même assez réconfortant. C'est une bibliothèque, est-ce que je peux faire du placement de produit et dire la marque ou pas? Oui. C'est une bibliothèque Ikea que je pense beaucoup trop de gens ont. Peut-être que, je me souviens plus du modèle, mais peut-être que les gens verront très bien laquelle c'est. Elle est blanche, il y a 4 compartiments, c'est des petits carrés, ça fait une colonne qu'on peut aussi mettre de manière horizontale sur le sol. Et donc là maintenant je l'ai redressée à la verticale, parce qu'avant elle était en horizontale sur le sol. Et donc elle a 4 compartiments, et il y en a 3 qui sont actuellement utilisés, parce que celui du bas, je reviendrai dessus, mais c'est un peu en mode le débarras. Donc voilà, donc c'est pas très très grand, c'est pas une très très grosse, bibliothèque. Pour ma défense, j'ai emménagé dans mon appartement et je n'ai absolument jamais eu la foi de ramener des bouquins de chez mes parents au début. Et même en plus, je me rends compte que, en fait, quand j'étais chez mes parents, j'avais pas de bibliothèque à proprement parler dans ma chambre. J'avais un petit truc, j'avais une bibliothèque qui tirait à 4 compartiments, mais qui était carrée, tu vois, t'en avais 2 cases en bas et 2 cases en haut, où il y avait genre une case ou deux qui servaient à des livres, mais en fait le reste j'allais soit piocher dans la bibliothèque de mon père, soit dans celle du salon, et il y en avait une autre un moment dans le garage ensuite qu'on a déplacé autre part, où il y avait plein de livres, et donc je les prenais là, puis ensuite j'allais les remettre à l'endroit où je les avais trouvés, parce que sinon on se plaignait de plus trouver les livres. Donc j'avais pas spécialement de bibliothèque, j'en avais une plus jeune, mais après j'en avais plus eu. Donc là c'était un petit peu le moment en fait d'avoir de nouveau une bibliothèque à moi, et donc je me suis rendu compte, de toute façon en partant de chez mes parents, que j'avais pas forcément beaucoup de livres à moi à proprement parler, puisque je leur en piquais plein. Donc j'ai essayé de repiocher des trucs par-ci par-là, en fait je me suis rendu compte que c'était très lourd, fallait faire l'aller-retour, donc j'ai vite abandonné. Mais je tiens à dire que le premier truc que j'ai pris en partant de chez mes parents, que j'ai mis dans la valise, c'était le coffret Harry Potter et les 3 autres tomes qui accompagnent Harry Potter. Alors je ne les lisais même plus, mais ils étaient là, ils étaient tous écornés, et c'est le premier truc qui a trouvé une place dans cette bibliothèque. Après j'ai ramené quoi? J'ai ramené en fait ceux que t'as dans la première case. C'est, tu vois, c'est un peu les beaux livres, tu sais, c'est les gros trucs, genre les livres de cuisine, les trucs où il y a beaucoup d'images, quoi. Enfin, tu sais, où t'as la couverture qui est un peu épaisse. En fait, c'est des livres, en plus, que tu feuillettes rarement. Mais tu vois, ils étaient beaux. Et ça, c'est pour le coup, il y a souvent des cadeaux dedans. Enfin, tu vois, c'est un peu... Tu sens que c'est toujours les trucs qu'on t'offre parce que ça coûte un peu cher. T'as les livres de recettes aussi. Enfin, voilà. T'as quelques BD. J'ai les Bad Girl dedans. Parce qu'en fait, en gros, bah ouais, c'est tous les bouquins un peu... Un peu, voilà, qui sont jolis, que j'ai ramenés. Et donc je les ai entassés là en plus. Enfin voilà, j'ai, en fait j'ai ramené les premiers bouquins que j'ai ramenés, c'était même pas des trucs que je feuillette beaucoup. Petit à petit j'ai rajouté des magazines dedans. Parce que maintenant que j'ai un meilleur salaire qu'avant, je me rachète des magazines. Et parce que ça coûte le prix d'un livre, parfois un magazine. Donc je les ai ramenés. Et je les garde parce que souvent je les aime bien. Parce que tu sais, je t'en ai parlé, il y a la revue America qui a coûté cher, qui est un investissement sur le long terme. Et sinon, t'as d'autres magazines. Enfin, genre par exemple, tu vois, j'ai acheté Le Monde hors série grand philosophe avec Hannah Arendt. Et en fait, il est super bien et donc je vais le garder. Donc en fait, il y a plein de petits magazines comme ça que j'accumule, qui sont super cool et utiles et qui vulgarisent plein de trucs. Il y a aussi le... Pardon. Ça, c'est un cadeau de toi, quand on était au lycée. C'était Fragments, poèmes, écrits intimes, lettres de Marilyn Monroe, qui est super cool. Et je l'avais trouvé super beau. Et j'aime beaucoup, en fait, les bouquins comme ça, tu sais, qui, en fait, sont des manuscrits où t'as les photos avec les originaux. Et à côté, on te remet au propre, on t'explique comment ils ont barré et corrigé leurs écrits et tout. Et là, donc, c'était Marilyn Monroe. Et je t'avais dit, je me souviens que j'aimais bien, et même, tu sais, on avait parlé de la comparaison Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe, puisque on les compare toujours pour je ne sais quelle raison. Je t'ai dit que moi, je préfère Marilyn Monroe parce qu'elle était plus torturée que ce qu'on croyait, et tu me l'avais offert ensuite, donc j'étais grave touchée. Ça me rappelle d'ailleurs que j'avais lu un bouquin de Camus qui se faisait un petit peu sur le même modèle. C'était un manuscrit qu'il n'a jamais achevé, je ne sais plus le titre. C'est Le Premier Homme, c'est ça. C'est exactement ça. Et j'avais aussi beaucoup aimé. Donc voilà, donc ça c'est le premier compartiment. Donc ouais, t'as tous les Harry Potter qui sont au fond. Et j'ai un pote qui m'a racheté avec une nouvelle édition de Harry Potter à l'école des sorciers. Il est super beau. Genre c'est Serdec parce que je suis de chez Serdec, tu vois. Donc ouais, les Harry Potter ont une place extrêmement importante dans ce compartiment. Ensuite, t'as la deuxième case. Alors là, c'est tous les livres que j'ai lus ces derniers mois. Parce qu'en fait, je me suis pas remise à la lecture depuis si longtemps que ça. Je suis arrivée dans cet appart, c'était il y a combien de temps? C'était il y a un an et demi. Et je dirais que j'ai vraiment réussi à me remettre à la lecture depuis janvier. Donc c'est-à-dire que pendant un an, j'ai quasiment pas lu. Donc il y a très très peu de bouquins y a très très peu de bouquins qui ont été lus la première année, et en fait bah depuis que ça va mieux, et bah, y en a beaucoup beaucoup qui se sont rajoutés, donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on y trouve par exemple? Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Alors tu vas surtout y trouver du roman avec un peu des trucs classiques. Par exemple tu vas avoir Virginie Despentes, Baise-moi, tu vas avoir Les Années d'Annie Ernaux, tu vas avoir Chanson douce de Laïla Slimani, mais ça il faut que je le refile à ma collègue. Tu vas avoir Fuck America de Edgar Ilsenrath, je ne sais pas comment on dit, c'est un nom avec un TH à la fin, c'est toujours absolument impossible à prononcer. Tu vas avoir Classé Dominé de Christine Delphi, Vénus Erotica de Anaïs Nin, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Le roman de Monsieur Molière qui est super drôle de Mikhail Bulgakov. Voilà, en fait, j'aime bien, moi, soit la... En fait, il y a deux trucs que j'aime beaucoup. C'est la littérature américaine du XXe siècle. Et sinon, j'aime bien aussi la littérature russe. Et j'ai pas forcément de préférence là. Par exemple, tu vois, t'as Le Diable de Tolstoï. Donc voilà, ça c'est ce que tu peux trouver. Tu peux aussi trouver beaucoup beaucoup de livres sur le féminisme. Voilà, tu vas voir Ainsi soit-elle de Benoît de Croult. Tu vas voir Le Roi des cons quand la langue française se mêle aux femmes de Florence Moreno. Tu vas aussi avoir des livres qui se veulent un peu théoriques, genre La condition ouvrière de Simone Veil, La force de l'ordre de Didier Fassin, Delphi, je te l'ai déjà dit. Tu vas avoir quoi d'autre? Ah, tu vas avoir Médiaculture de Éric Maigret et Éric Massé. Tu vas avoir La démocratie internet de Dominique Cardon. Ça, c'est des livres, par contre, je les ai ramenés, que j'avais chez mes parents, mais je les ai pris. Parce qu'en fait, ils sont toujours utiles pour quand je m'occupe de mon blog ou de ma chaîne. C'est des bouquins que je ressors souvent. Et en fait, quand j'étais à la fac, j'ai acheté très peu de bouquins. J'ai beaucoup emprunté, que ce soit des gens ou à la bibliothèque. Parce qu'il y avait tellement de trucs à lire qu'à un moment, j'avais un peu la flemme à chaque fois de dire à mes parents de les commander. Donc j'ai beaucoup... Quand en fait, j'ai fini mon cursus, je me suis rendu compte que j'avais eu plein de trucs, mais que j'avais pas gardé les livres. Et en fait, ces deux bouquins, je les avais achetés parce que tu sais, j'ai eu le pressentiment que j'allais les garder pendant un bon moment. Donc voilà, donc, enfin, t'as vraiment tout. T'as des sciences humaines et sociales, t'as des trucs qui se veulent un peu plus militants. Genre, t'as Un clic du pire d'Ovidie. Ça, c'était une maison d'édition qui me l'avait envoyé. J'en avais parlé en vidéo. Parce que même, on m'envoie des trucs aussi, donc ça, c'est bien. Ça, c'est le truc, c'est quand j'ai commencé à parler. Je sais pas si je t'avais raconté, quand j'ai commencé à faire des vidéos BookTube. Genre 3 jours après avoir sorti ma première vidéo BookTube, j'avais reçu des mails de mes auditions qui m'avaient fait « Ah bah, vous voulez recevoir des livres écrits par des femmes sur le féminisme, tout ça ?» Et il y avait aussi une fille qui possède un concept de box super cool. Tu vois, les box, c'est des trucs que tu reçois chaque mois, c'est des boîtes. Et elle, c'est une box avec que des livres écrits par des femmes, et il y a une thématique. Et en fait, le mois où j'ai sorti ma vidéo, la box du mois d'après, c'était sur la Révolution. Et donc elle m'a envoyé un mail en disant « Je pense que ça pourrait t'intéresser, cette box. » En plus, avec des livres écrits que par des femmes, et j'ai fait « Ah ben, je veux bien la recevoir, merci. » Qu'est-ce qu'il y avait dans cette fameuse box Femmes Révolution ? Alors, je ne les ai pas encore lues, parce que j'ai eu beaucoup de trucs à lire, même si j'avais parlé de sa box dans une vidéo. Il y avait un roman de Lola Lafont, Une fièvre impossible à négocier, il s'appelle. Et il y avait La révolution, le féminisme, l'amour et la liberté de Alexandra Kollontai. Et ça m'avait l'air d'être un choix tout à fait pertinent. Et ça avait l'air très très sympa et je suis pressée de les lire. Même si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à lire avant de lire ces deux-là. Faudrait qu'on reparle aussi de ça, de mon ordre de lecture qui change beaucoup mais qui existe. Evansler, les monologues du vagin. Les poils. On ne peut pas aimer le vagin si on n'aime pas les poils. La plupart des gens n'aiment pas les poils. Mon premier et unique mari haïssait les poils. Il disait que ça faisait fouillis et sale. Il m'a obligé à me raser. Mon vagin avait l'air gonflé et exposé, comme celui d'une petite fille. Ça l'excitait. Quand il me faisait l'amour, je ressentais mon vagin comme j'imagine qu'on ressent une barbe. C'était bon de le gratter et douloureux. Comme gratter une piqûre de moustique. J'avais l'impression qu'il était en feu. Il y avait des boutons rouges, cuisants. J'ai refusé de continuer à le raser. Alors mon mari a eu une liaison. Quand nous sommes allés faire une thérapie de couple, il a dit qu'il baisait ailleurs parce que je refusais de le satisfaire sexuellement. Je ne voulais pas me raser le vagin. La thérapeute avait un accent allemand, prononcé, et haletait entre chaque phrase pour montrer son empathie. Elle m'a demandé pourquoi je ne voulais pas faire plaisir à mon mari. Je lui ai dit que je trouvais ça bizarre. Je me sentais toute petite quand je n'avais plus de poils en bas. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler avec une voix de bébé et la peau était irritée et même la crème à l'oxyde de zinc n'y pouvait rien. Elle m'a dit que le mariage était un compromis. Je lui ai demandé si le fait de me raser le vagin l'empêcherait d'aller baiser ailleurs. Je lui ai demandé si elle avait eu beaucoup de cas semblables auparavant. Elle m'a répondu que les questions diluaient le protocole. Je devais me jeter à l'eau. Elle était sûre que c'était un bon début. Cette fois, quand nous sommes rentrés à la maison, c'est lui qui m'a rasé le vagin. C'était comme un bonus, une prime à la thérapie. Il m'a coupé plusieurs fois et il y avait un peu de sang dans la baignoire. Et il ne l'a même pas remarqué, parce qu'il était tellement heureux de me raser. Et plus tard, quand mon mari s'est pressé contre moi, je sentais le barbelé de ses poils, piquant et pénétrant, me râper. Râper mon vagin, nu et gonflé. Il n'y avait pas de protection. Il n'y avait pas de duvet. J'ai compris alors que les poils sont là pour une bonne raison. C'est la feuille autour de la fleur, la pelouse autour de la maison. Il faut aimer les poils pour aimer le vagin. On ne peut pas choisir les parties qu'on veut. En plus, mon mari n'a jamais cessé d'aller baiser ailleurs. Donc voilà, ah oui, et tout derrière au fond, tu as les livres de Jane Irving que j'ai ramenés, que j'ai mis dans une valise et que je me suis traînée jusque chez moi depuis chez mes parents en disant « cela je l'ai ramené ». Mais je n'ai pas tous les livres de Jane Irving que j'ai pu lire. Je n'ai gardé que mes préférés. Parce que donc j'ai dû faire un choix. Et puis parce que Dernière Nuit à Twisty Driver est pas très bien et beaucoup trop gros. Et je me suis dit ça ne vaut pas le coup de se faire mal aux épaules. Donc j'ai ramené lesquels ? Alors, il y a l'Hôtel New Hampshire, il y a Le Monde selon Garp, il y a Une prière pour Owen, il y a L'œuvre de Dieu, La part du diable, il y a Un mariage point moyen et il y a Liberté pour les ours. Et dans la case d'en dessous, je reviendrai sur cette case, il y a L'épopée du buveur d'eau qui attend d'être lue. Donc voilà, donc ils sont là, on les voit pas, mais je les ai mis là. Et en plus, c'est terrible parce que je sais que je les lirai pas, mais j'ai besoin de savoir qu'ils sont là, tu vois. Ils sont là. Je sais que j'ai les Jenny Irving qui sont ici. Et en plus, je pourrais même pas inventer un mytho en disant que, en fait, je les ai parce que comme ça, je peux les filer à des gens, tu vois, pour faire découvrir, parce que Jenny Irving, je ne les prêterai jamais à qui que ce soit. Parce qu'ils appartenaient à mes parents, et notamment à mon père, et c'est lui, je me souviens de la première fois où il m'a fait lire un Jenny Irving. C'était les grandes vacances, il faisait chaud, j'avais fini tous les livres que j'avais pris pour les vacances pour les lire. Et lui, il avait rajouté ça dans ma valise en disant, c'était l'Hôtel New Hampshire, en me disant, tiens, prends ça, ça va te plaire. Et j'étais là, déjà, je me disais, c'est énorme ce livre. Ensuite, j'étais, mais j'aurais jamais le temps de lire ça. Et en fait, je me suis rendu compte, tu sais, quand t'es ado, tu passes énormément de temps sur l'ordinateur. Et quand t'es en vacances, tu te rends compte qu'en fait, mais tu sais lire très vite et très longtemps. Et que c'est très sympa de lire, et que t'avais oublié un peu. Et donc, je l'avais pris, et ça a été juste la révélation. Et surtout qu'en fait, alors je vais décrire la couverture. Non, mais j'ai vu ça, je me suis dit, mon père est complètement perché, je ne sais pas pourquoi il veut que je lise ça. En gros, il y a une maison, en fait, c'est un hôtel. Il y a un ours à l'intérieur de l'hôtel, sa tête passe par une des fenêtres, ses pattes aussi. Et il y a en fait une moto en dessous de l'hôtel qui, je pense, fait tout avancer puisque l'ours conduit la moto en même temps. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre de quoi voulait parler ce bouquin. Et je me disais, mais pourquoi un ours? Et depuis, j'ai compris pourquoi, parce que Jenny Irving met des ours tout le temps dans ses bouquins. J'ai même maintenant un tatouage ours pour Jenny Irving. Et oui. Donc voilà. Mais ouais, Jenny Irving, c'est les seuls bouquins que j'ai pris de mon auteur préféré. Genre par exemple, les Harry Potter. Enfin, j'aime bien les Harry Potter, mais Jenny Irving, c'est... J.K. Rowling, c'est pas c'est pas ma grande romancière ou autrice préférée, tu vois, mais je les ai pris parce que je les ai mis à Jenny Irving, je les ai vraiment pris parce que c'était lui et que c'était des romans que j'aimais bien, mais tu vois, je me suis pas traînée tous les romans que j'ai lus de Simone de Beauvoir, alors que je pense qu'elle, c'est clairement mon autrice préférée. Je les ai pas pris, j'ai fait ce choix de ne pas les prendre. J'ai pas pris certains romans que j'ai vraiment beaucoup aimés, qui m'ont marqué, comme par exemple Lolita de Nabokov, tu vois, il y a juste Jenny Irving, lui j'ai dit, faut que je le prenne. Enfin, pour moi, c'était clair et net. Fallait que je le prenne. J'ai quand même mis du temps avant de me motiver à tous les prendre. J'aurais pu faire un livre par livre, mais bon, non, je ne connais que l'excès. Donc voilà. Jenny Irving, L'Hôtel New Hampshire. Nous eûmes un jour et une nuit et toute la matinée du lendemain pour préparer la Gastos Freud en prévision de l'arrivée de maman et de Egg. Notre vol avait duré environ 8 heures, 6 ou 7 de Boston à Francfort, plus à peu près une heure pour atteindre Vienne. L'avion de maman et de Egg devait en principe quitter Boston dans la soirée du lendemain, légèrement plus tard, et se poser à Zurich. Le vol jusqu'à Vienne prendra environ une heure, et le trajet de Boston à Zurich, comme le nôtre, jusqu'à Francfort, environ 7 heures. Mais ma mère et Egg, et Sorrow, ratèrent l'aéroport de Zurich. Moins de 6 heures après leur départ de Boston, leur avion piqua et s'engloutit dans l'Atlantique, non loin de cette partie du continent que l'on appelle la France. Dans mon imagination, plus tard, et sans la moindre logique, je puisais quelques consolations dans cette pensée qui ne s'était pas abattue dans les ténèbres et dans cette idée que, qui sait, dans leur esprit, la vision de la terre ferme à l'horizon avait peut-être fait naître quelque espoir. La terre ferme qui n'atteignirent jamais. Il est présomptueux d'imaginer que Egg dormait. Pourtant, c'est ce qu'on aurait pu lui souhaiter de mieux. Connaissant Egg, je suis sûre qu'il était resté éveillé durant tout le trajet. Sorrow, dodelinant sur ses genoux. Et je suis sûre que Egg avait choisi le siège près du hublot. Quelles que fussent les causes de la catastrophe, nous dit-on plus tard, elle s'était produite très vite. Néanmoins, quelqu'un avait dû avoir le temps de lâcher quelques consignes, dans une langue quelconque. Le temps pour maman d'embrasser Egg et de le serrer contre elle. Le temps pour Egg de demander « Quoi ?» Et bien que nous fussions venus nous installer dans la ville de Freud, je dois dire que les rêves sont immensément surfaits. Le rêve que j'avais eu de la mort de ma mère était inexact. et je ne devais jamais le refaire. On pouvait imaginer, au prix d'un considérable effort d'imagination, que sa mort avait été décidée par l'homme en smoking blanc, mais ce n'était pas un joli sloop qui l'avait emporté. Elle plongea du ciel jusqu'au fond de la mer en compagnie de son fils qui hurlait à côté d'elle, Sorrow plaqué contre sa poitrine. Et petit détail très intéressant, il y a une petite figurine de chat sur cette petite case, et en fait, c'est mon arrière-grand-père qui me l'avait offert quand j'étais toute petite. Que le chat? Ah bah oui, bien sûr. Et si tu peux voir, il y a une petite oreille qui n'a plus de pelage puisque je l'avais arrachée quand j'étais petite pour voir ce qu'il y avait en dessous. Voilà. Mais donc il est là et je suis très contente de l'avoir mis là. Parce qu'en fait, tu vois, je me dis, il y a mon arrière-grand-père et derrière, il y a tous les bouquins que j'ai lus de John Irving et qui m'ont été conseillés par mon papa. Et j'ai quand même aussi ramené quelques bouquins. Alors là, j'arriverai pas à dire lesquels, ils sont peut-être aussi en dessous, que j'avais trouvé à la maison, qui appartenaient à mes grands-parents, que mon père avait ramené. Donc moi, j'ai pris, je les ramène là. Donc tu sais, j'ai un peu l'impression que j'ai fait perpétuer quelque chose. Et ça me contente beaucoup. Je suis très heureuse. Voilà. Et ensuite, il y a la troisième case, la fameuse. Donc cette case, comment est-ce que je peux la décrire? Fourre-tout. Non, tu peux pas dire ça. Cette case-là, c'est tous les bouquins que j'ai pas encore lus, que j'achète, et en fait, ils sont dans un ordre très précis de lecture qui va se faire au fur et à mesure. Forcément, en fonction de ma motivation à lire certains livres, je déplace dans la file d'attente, on va appeler ça comme ça, les bouquins. Donc voilà, donc il y a des livres que j'ai depuis à peu près un an, que parfois j'ai acheté en arrivant ici, qui n'ont toujours pas été lus. Et des livres qui ont été achetés très récemment, qui se retrouvent dans les tout premiers à lire, forcément. Je mets le prochain à lire au-dessus. Enfin, tu vois, donc, c'est le seul livre... Enfin, comment dire, ils sont tous rangés de manière alignée proprement. Et au-dessus, je mets le prochain livre à lire. Quand j'aurai fini Femme, race et classe d'Angela Davis, ce sera donc autour de La promesse de l'aube de Romain Gary. Parce que moi, je m'engage, tu vois. Parce que Romain Gary, celui-là, ça fait un bon moment que je veux le lire et que je le lis pas. Donc, tu vois, il est posé là et je sais que ce sera le prochain que je devrais prendre. Mais comment est-ce que tu choisis? Enfin, je sais que moi aussi j'ai le même problème, tu sais, de choisir ce qu'on va lire après et encore après et encore après. Ouais. Mais comment est-ce que tu choisis? Tu te dis, tiens, je vais mettre ça genre en cinquième et ça en sixième et ça en quatrième. Enfin, Par rapport à ma chaîne YouTube, parce qu'en fait, chaque mois j'essaye de faire une vidéo. Bon, pour cet été, ce sera une vidéo sur le mois de juillet-août. Mais chaque mois j'essaye de faire une vidéo des livres que j'ai lus. Qui sont des livres sur le féminisme, sur les sciences humaines et sociales, et tout ce qui est un peu des sujets politico-militants, blabla. Et donc, en fait, la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, j'ai présenté, je crois, 9 bouquins, et plein de gens, dont mon copain, m'ont dit « c'était quand même beaucoup ». Mais en fait, il y en avait beaucoup que j'avais envie de dire, mais donc je me suis dit si aussi j'avais pas envie, tu sais, de couper cette vidéo en deux, c'est parce que les thématiques était pas forcément hyper diversifié, donc je me disais qu'il fallait que je casse tout. Donc maintenant, en fait, j'essaye dans l'ordre de ce que je vais dire, qu'est-ce qui pourrait être bien dans une vidéo à présenter. Un petit peu de roman, un petit peu de machin. Donc je les range comme ça, et ça me permet d'avoir un ordre intéressant. Donc là, par exemple, je sais que là, dans le premier ordre que je viens de faire, il y a beaucoup de romans, et donc je pense que ça va pas rester comme ça très longtemps, parce que ça va pas être possible. Je veux dire... Est-ce que tu peux nous faire la liste dans l'ordre? Alors, tel qu'il est actuellement. Donc, je pense que dans la vidéo de ce que j'aurai lu en septembre, il y aura Angela Davis, Femme, race et classe. Voilà, qui est juste là sur la table. Il y aura ensuite, je vais dire, La promesse de l'aube de Romain Gary, mais je ne vais pas en parler puisque ça ne fera pas partie des bouquins dont je parle en vidéo. Donc là aussi, je case aussi entre toutes ces lectures des choses que j'ai envie de dire que pour moi, mais dont je n'en parlerai jamais. Ensuite, celui-là, je pense que je ne vais pas en parler dans ma vidéo, c'est Maille absolue de Darling, que tu m'as offert hier, de, comment il s'appelle, Gabriel Talent. Donc, et après ça, j'ai mis le livre de Mathias, mon cher ami Mathias, Objet trouvé. Mais là, tu vois, donc en fait, ça n'a pas de sens que je lise d'un coup trois romans dont je risque de pas forcément parler en vidéo. Peut-être que Mathias, je vais en parler en vidéo parce que je pense que le sujet peut s'y prêter. Parce qu'il y a toute une réflexion autour de la masculinité, si j'ai bien tout compris. Mais donc, ça fait déjà deux romans. Est-ce que, enfin, tu vois, imagine que j'ai un peu une peine de lecture, que j'ai la flemme de lire. Tu vois, c'est... Enfin, j'aurais pas eu un bon rythme pour présenter suffisamment de choses. Donc, Donc je suis pas trop sûre. Par contre, après, il va y avoir Nous les filles de nulle part. C'est un roman jeunesse. Donc ça, je pense que je vais sûrement en parler parce que le sujet s'y prête et qu'en plus, je parle très peu souvent de jeunesse. Après, j'ai un autre roman de féminisme qui s'appelle The Power de Naomi Alderman qu'on m'a aussi offert. Après, j'ai La cloche de détresse de Sylvia Plath. Très bon choix. Oui, que tu m'as offert hier d'ailleurs. Ensuite, j'ai Cœur de chien de Mikhail Bulgakov, ça je pense pas que je vais en parler en vidéo. Ensuite, j'ai Une fièvre impossible à négocier de Lola Lafont, donc on m'avait envoyé dans la box, ça je vais en parler. Et après, donc après tous ces romans, d'un coup apparaît La fabrique du féminisme de Geneviève Fraisse. Et je pense qu'en fait, là, ça fait beaucoup trop de romans à lire, tu vois, donc je pense que je vais sûrement déplacer La fabrique du féminisme entre, je sais pas, entre deux des romans qui apparaissaient au début, tu vois. Voilà. Et ensuite, si je continue toute la ligne, t'as La Révolution, le féminisme, l'amour et la liberté d'Alexandra Kollontai. Ensuite, tu as L'épopée du buveur d'eau de Jane Irving. C'est quand même une petite attente avant de lire mon Jane Irving, tu vois. Ensuite, il y a Le Lys de Brooklyn de Betty Smith. Et ensuite, tu as Franz Fanon, Peau noire, masque blanc. Et en plus, dans tout ça, j'essaye aussi de faire preuve d'un minimum de diversité et de pas forcément rester dans des choses qui sont hyper centrées sur l'Occident ou sur des auteurs et des autrices blancs et blanches, ce qui est aussi délicat. Et parfois, tu sais, je me rends compte que tout ce que je vais lire à venir, en fait, soit c'est que des mecs, soit c'est beaucoup de personnes blanches. Et je me dis, en fait, j'ai envie de lire d'autres choses. Et en vidéo, j'ai aussi envie de présenter d'autres choses. Donc c'est pour ça que je vais acheter d'autres choses entre-temps et que ça se rajoute, et voilà. Et c'est infini. Voilà. Et en plus, là, il y a aussi un livre qui est en attente. C'est un roman pour mon club de lecture féministe que je vais commencer début septembre sur Instagram. Mais je ne peux pas te dire le titre, puisque... Enfin, tu vas sortir quand, le... Octobre. Donc ouais, je peux te le dire. Ça sera L'œil le plus bleu de Toni Morrison, que je vais lire et que je vais mettre sur mon compte Insta et que je vais faire gagner. Et donc, je vais... pour que les gens aussi, de leur côté, le lisent. Tu vois ? C'est quoi cette histoire de club de lecture ? En gros, j'ai toujours voulu avoir un club de lecture. Avec le petit vin blanc et... Bien sûr, même, bien sûr. Et le truc, c'est que j'ai cherché des clubs de lecture auxquels participer, mais alors soit en fait c'était juste, tu sais, des clubs de lecture en ligne. Donc t'avais celui de Emma Watson, qu'elle a sur Goodreads. En gros, elle te propose un livre, ou un ou plusieurs livres à lire, je sais pas, sur des périodes données, c'est pas forcément chaque mois, je sais plus. Mais c'est beaucoup de livres anglophones, soit, et puis tout le club est en anglais, enfin les gens parlent en anglais, soit il y avait d'autres personnes, j'ai vu qu'elles avaient des clubs de lecture sur Facebook, sur YouTube, mais tu sais, c'est souvent un peu, soit t'as une thématique et tu choisis un bouquin en rapport avec ça, soit on te propose plusieurs livres à lire et t'en choisis un. Et là je me suis vraiment dit, en fait j'aimerais bien avoir mon club de lecture, où genre, chaque mois je propose... un truc que j'ai envie de lire depuis longtemps, et tu vois, c'est l'occasion. Et puis sur Instagram, ce que tu peux faire, tu sais, c'est que tu peux poster une photo et ensuite tu peux ajouter un commentaire avec. Et je me suis dit que c'était le truc le plus parfait pour, genre, tu prends le livre en photo et tu mets ton avis, et ensuite tu utilises un hashtag pour que quand les gens cliquent sur l'hashtag, on retrouve tous les avis qu'il y aurait eu sur ce bouquin. Donc j'avais un peu proposé l'idée au hasard cet été, parce que ça me travaillait beaucoup, que j'avais cherché des clubs de lecture féministes auxquels participer, et l'organisation, c'était pas forcément ça, ou les livres proposés, je les avais déjà lus, ou c'était pas trop mon style. Donc j'avais proposé à des gens si ça les intéresserait d'en faire partie, et j'ai eu plein de réponses positives. J'ai donc commencé à poser des questions du genre, quel budget vous pourriez mettre max, combien de pages vous pouvez lire chaque mois max, enfin voilà, tu vois, le but c'est pas de te proposer un pavé à 35 € de 700 pages, enfin t'es étudiante, t'as pas forcément les thunes, et puis voilà. Donc voilà, donc j'ai eu plein de réponses. Après, c'est toujours ce truc de, est-ce que je vais proposer un livre qui aura déjà été lu par beaucoup, donc les gens vont être déçus, ou est-ce que je propose un truc un peu plus pointu, mais est-ce que les gens le trouveront à la bibliothèque ou en librairie, est-ce que... puisque c'est pas un peu intimidant si tu commences à proposer des trucs trop compliqués. Est-ce que tu proposes des romans, ou est-ce que tu proposes de la théorie, est-ce que tu proposes de la vulgarisation? Je me suis dit que les trois seraient bien. Et donc, pour commencer, après moult réflexions, je me suis dit que L'œil le plus bleu de Toni Morrison serait pas mal. Donc là, je l'ai acheté en 2 exemplaires, comme ça je peux en faire gagner un sur Instagram, puisque l'occasion aussi, c'est... Enfin, t'as des gens Même si, tu vois, j'essaie de rester sur un petit budget, t'as toujours des gens qui n'ont pas trop de thunes, donc tu vois, c'est aussi un prétexte pour en faire gagner à quelqu'un. Et voilà, et c'est le sujet du club de lecture, et donc il commence début septembre, et donc il faudrait que je lise aussi ce bouquin-là. Ce serait bien pour donner mon avis à mon tour, puisque je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Et comment tu l'as choisi finalement celui-là? Comment je l'ai choisi? J'ai une liste de bouquins que j'ai envie de lire. J'ai pris cette liste-là, j'ai regardé un peu les prix des bouquins. J'ai vu que celui-là, dans l'édition dans laquelle j'ai acheté, il n'était pas très cher, il était à 7,10 €. Il n'était pas très long. Je me suis dit, bon, la thématique était plutôt intéressante. J'aime bien la littérature américaine. Je me suis dit, ça remplit beaucoup de critères et c'est un roman, donc c'est bien pour commencer, tu vois. Pour, c'est pas trop indigeste, je pense. Voilà. Pas compliqué. Maintenant, j'ai juste peur qu'il y ait plein de gens qui disent, ah, mais je l'ai déjà lu. Je suis, ah, bah super. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, une fois que tu vois que j'ai lu les bouquins de cette troisième case, ils remontent dans la deuxième case, là où donc il y a les livres lus. Forcément, au fur et à mesure, cette case se remplit beaucoup. Donc, ces livres-là, en fait, je fais le tri. C'est-à-dire que les livres qui ont été dans la troisième case ne se retrouvent pas forcément dans la deuxième case, puisque, bah, en fait, si t'étais pas ouf, j'ai pas forcément envie de te garder dans ma bibliothèque. Donc, Mais que deviennent-ils? que deviennent-ils? Eh bien, ils descendent dans la quatrième case, qui est Ah, les la, cimetières. oui, qui est la case des barres. Ils sont posés, mais ils sont posés, tu vois, enfin, ils sont posés à plat. Et en fait, c'est pour que je pense à aller les donner. Et je vais les donner à des bibliothèques participatives, par exemple. Donc, j'arrive, et puis, l'air de rien, je pose mon livre, mes C'est livres vraiment parfois, nul, hein. mes livres parfois, en me disant que quelqu'un d'autre les lira avec plaisir. Mais cette case est vraiment débarrassée parce qu'il y a Simon Ferrare à repasser. Mais voilà, en fait, le but, mon ambition, ce serait que seule la deuxième case reste pleine, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas forcément possible. Puisque là, il y a déjà eu un tri d'effectué, et ça, c'est que ce que j'ai lu à peu près, je pense, depuis janvier. Donc, d'ici la fin de l'année, normalement, enfin, il y a un moment. Ça va devenir compliqué. Je pense que la quatrième case va devoir ne plus exister. Enfin, va falloir qu'on trouve un. Que je range les trucs à virer plus tard. Et donc, par exemple, là, le livre que je vais aller donner dans quelques temps, c'est J'aime la vie de Christine Arnotti. Ou alors, je vais aller le replacer chez mes parents, puisqu'à la base, je l'ai pris chez mes parents. Dans une bibliothèque où ils regardent plus leurs bouquins, donc je pense qu'ils s'en tapent un peu. Peut-être que ma petite sœur voudra le lire. Et en fait, c'était pas mal, mais j'ai pas pu le lire jusqu'au bout. Alors que je lis tous mes livres jusqu'au bout, mais celui-là, je me suis dit, je vais arrêter. Parce qu'en fait, il m'a énormément angoissée. Pourtant, là, je viens de finir Chanson douce de Leïla Slimani, donc en termes d'angoisse, je suis calée. Mais en fait, dedans, c'était juste hyper, je sais pas, j'étais mal à l'aise, j'aimais pas. Après, tu sais, genre, ça me travaillait toute la nuit. Je me faisais des scénarios chelous. Et à un moment, je me suis dit, j'ai peut-être envie de me reposer parce que la journée, je travaille. Et donc, je ne l'ai pas terminé. Et donc, voilà. Je pense que, bah, en fait, ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé que je me suis dit, pourquoi garder un livre que je n'ai pas terminé? Je crois que ça doit être le troisième livre de ma vie que je ne termine pas. Et c'est pas qu'il est nul, hein. C'est juste que je pense que ce n'était pas le moment pour le lire. Vraiment pas. Et voilà. Donc, je l'ai arrêté en cours de route. Donc il est là et il attendra d'être déposé quelque part ou rendu à mes parents. Donc voilà comment ça s'organise. Didier Fassin, la force de l'ordre. Lors de ma dernière rencontre avec l'un des commissaires dont j'appréciais l'honnêteté, la modestie, notre discussion porta sur divers sujets, et notamment sur l'intervention, quelques semaines plus tôt, d'un millier de policiers de la région parisienne, armés et casqués dans une cité de Villiers-le-Bel, pour y interpeller à l'aube 37 personnes accusées, sur la foi de témoignages anonymes, d'avoir participé aux émeutes qui avaient suivi la mort de deux jeunes renversés par un véhicule de police. Cet homme, entièrement dévoué à sa mission d'ordre public, dont on disait qu'il avait sacrifié sa vie à son métier, et que je voyais effectivement de jour, comme jusqu'à une heure avancée de la nuit dans son bureau ou sur le terrain, qui s'efforçait de comprendre ces gardiens de la paix, même quand ils commettaient des actes contraires à leur déontologie, et qui donnait son numéro de téléphone portable aux habitants lors de réunions de quartier qu'il organisait, me sembla quelque peu désabusé en évoquant la militarisation de la police, la spectacularisation de ses opérations et l'inutile violence perpétrée contre les habitants. À son habitude, cependant, il n'exprimait qu'à demi-mot ses réserves, non comme s'il se méfiait de moi, mais comme s'il cherchait à protéger son institution. Au bout d'une heure, alors que la soirée était déjà bien avancée, il me raccompagna à la porte du commissariat et me demanda ce que j'allais faire maintenant. Je lui expliquai que je venais de commencer une enquête sur les prisons et que je travaillais désormais au sein d'une maison d'arrêt. Son regard s'éclaira et un sourire apparut sur le visage. « Comme ce qu'avait fait Michel Foucault, me dit-il. J'ai lu Surveiller et punir quand je faisais mes études de commissaire. J'ai beaucoup aimé ce livre. » Il m'en dit quelques mots élogieux puis me salua. Je me disais en quittant pour la dernière fois ce commissariat que, pour être policier, on pouvait n'en être pas moins un peu philosophe et qu'il y avait peut-être encore place, au sein des forces de l'ordre, pour une pensée critique. Je m'organise un peu en fonction de mes vidéos et donc j'essaie toujours chaque mois de lire un ouvrage féministe, un roman écrit par une femme, au moins un chaque mois écrit par une femme, un ouvrage de théorie sur un sujet de quoi ? Bah je pense que c'est intéressant de faire parler de ça en fait. Donc pourquoi un roman par une femme Oui, bah, du coup je te pose la question de manière ingénue, mais... Tout simplement parce que les femmes sont tellement peu lues et tellement peu... évoquée et citée et même publiée encore à l'heure actuelle que je me fais vraiment un devoir d'en lire, surtout que je me suis rendu compte que dans une grande partie de ma vie je lisais pas forcément autant de femmes que ça, et je me rends compte encore que par exemple tu vois quand j'ai des femmes ça reste des trucs très actuels et très contemporains. Par exemple si tu me parles de littérature russe que j'aime beaucoup, bon je suis pas très name dropping et ainsi de suite, mais si je te cite des gens je te citerai aucune femme, tu vois, ça me... Donc voilà, donc je me fais vraiment un devoir d'en lire pour ensuite en parler en vidéo. Voilà. Et je vais toujours aussi rajouter donc, un livre de sciences humaines et sociales sur un sujet qui m'intéresse, mais c'est vraiment... Par exemple, tu vois, là, j'ai « À quoi rêvent les algorithmes » de Dominique Cardon, tu vois. Et je vais aussi avoir des trucs plutôt politico-militants, voilà. Toujours des trucs qui se cassent par-ci, par-là. Donc voilà. Très concrètement, j'ai jamais eu un moment où je me dis « Oh, j'aimerais bien lire un roman plutôt que ça. » Enfin, c'est pas comme ça que je fonctionne. Déjà parce qu'en fait, ce que j'achète jamais un truc en mode mouette, tu vois. Enfin, j'achète et j'ai toujours grave envie de le lire. Enfin, vraiment, je suis... Si je prends jamais un truc au pif, et... Alors, je veux pas dire que je peux sortir d'une librairie sans avoir rien acheté, parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours un truc que je suis « Ah, je le veux depuis tellement longtemps !» Mais voilà, en fait, tout ce que je lis, je sais que je veux vraiment, vraiment lire, donc je serais toujours contente de l'avoir. Après, il y a des trucs que je repousse, parce que, enfin, je sais que c'est pas le moment, tu vois, quand je vois Les Frères Karamazov de Dostoïevski, peut-être pas envie de me taper ça maintenant, mais je sais que j'aurai d'autres romans que je veux lire avant, donc d'autres trucs. Donc bon, il y a un moment, s'il faut lire Les Frères Karamazov, faut lire, quoi. Mais j'achète suffisamment toujours de bouquins pour avoir le choix. Et non, moi, je marche plutôt à juste, j'ai envie de lire, tu vois, là, maintenant. Et je lis quand ? Je lis pas le matin, ça, c'est pas possible. Le matin, je veux pas lire le matin. Ah, étonnant, tu ne te lèves pas avec le bouquin dans les mains. Non, mais ça ne rentre pas dans mon crâne. Enfin, non, le matin, c'est pour dormir. Par contre, je peux lire le soir, je peux lire la nuit. Je peux lire en rentrant du boulot. Ça, c'est un truc, même parfois sur le temps de midi aussi. J'aime bien lire. J'aime beaucoup lire dans les gares, dans les TGV. Enfin, mais c'est vrai que quand je rentre du boulot, surtout que moi je travaille beaucoup sur écran et tout, et je sais que ça va faire une petite phrase de vieille et tout, mais enfin, à un moment, il faut que ça se stoppe un peu, tu vois. Et j'aime bien aussi lire le soir parce que je me rends compte que ça, tu sais, ça repose vachement les yeux et le cerveau aussi. Sauf que quand tu lis un truc hyper perturbant comme... désolée, je vais le répéter, mais Chansons douces de Leïla, ce qui m'anime, bah, vraiment, vraiment perturbée. Et j'ai passé ma nuit dans mon lit jusqu'à 3h du matin à me dire « Qu'est-ce que je viens de lire ?» C'était vraiment chelou. Mais c'était bien, hein, et je vais en parler en vidéo. Mais voilà, moi, c'était plus juste des moments où je me dis « J'aimerais bien lire ». Après, j'arrive vraiment à lire à plein d'endroits, dans des endroits où c'est bruyant, quand on regarde la télé à côté de moi. Enfin, j'ai pas ce problème-là. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas lire s'il y a du bruit à côté d'eux, ou s'il y a quelqu'un à côté d'eux. Moi, je m'en fiche. Je suis plutôt même vachement encouragée quand je suis avec quelqu'un et qu'il veut faire son truc. Je fais non, mais t'inquiète, je lis à côté. Et souvent, la personne, tu sais, hein, genre, tu t'ennuies pas, tu vas lire. Je suis là, mais j'essaie d'avancer sur mon bouquin. C'est le moment parfait, c'est ta vie. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour ce qui est de choisir ce que j'achète, je passe beaucoup chez le bouquiniste. Parce que c'est vraiment un gros piège, ce truc, c'est que t'es là, genre, ah, je vais prendre pour 3 euros, enfin, je vais prendre, acheter un livre, ça me coûtait que 3 euros, puis, oh, j'ai un billet de 20. Oh, 3 fois 6, 18. Oh, 6 livres pour 18 euros. Il me resterait 2 euros à la fin. Ça me permet de casser mon billet, tu vois. Moi, j'ai aussi j'ai cette grande hypocrisie d'aller chez le bouquiniste pour casser mes billets. C'est un spectacle, là. T'arrives avec un billet de 20, tu repars avec une pièce de 2. Ah oui, c'est pour casser le billet, là, c'est dépensé. Mais voilà, enfin, c'est vraiment mon gros souci. Donc j'achète beaucoup chez le bouquiniste. J'achète pas beaucoup à... J'ai pas beaucoup... Dans des grandes librairies nationalisées en France, je vais pas dire le nom, mais où on vend aussi des DVD, des trucs où il y a beaucoup trop de bouquins, et où souvent je trouve qu'il y a aussi des auteurs que j'aime pas de droite qui traînent sur les comptoirs et ça m'énerve. À la Fnac. Oui, voilà. Et où, voilà, tu vas dans le rayon sociaux et tu vois des noms et tu dis... voilà. Voilà, tu vois, je suis là, ce n'est pas de la socio. Donc j'évite d'aller là, j'aime beaucoup aller dans les petites librairies indépendantes et tout, alternatives, machin. Il y a une librairie que j'aime beaucoup sur Paris, où je vais souvent, c'est le Monte en l'air. C'est une librairie indépendante, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, où tu as une énorme section d'ouvrages politiques, tu vois, sur plein de sujets, que ce soit le féminisme, l'écologie, l'anarchisme, genre c'est incroyable. Et tu as une partie plus avec les romans, donc que ce soit nouvelles sorties, classiques et tout. Littérature étrangère, plein de trucs, elle est super grande, elle est géniale, et j'adore y aller, j'adore leur acheter des trucs. Et en plus, c'est dans ces moments où j'ai l'impression qu'en fait je fais limite un geste militant d'acheter quelque chose dans une librairie indépendante, c'est complètement faux. Enfin... Et elle est où Elle est où? Oh. Elle est près du métro à Ménilmontant. Ouais. Voilà. Et elle est super bien. Je crois que c'est tenu par des mecs qui sont super cool. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, cette librairie. J'ai pas mal de trucs dedans. Et après, pour choisir les bouquins que je vais acheter, alors j'ai une liste dans mon portable de trucs que j'ai envie d'acheter. Avec, tu vas avoir une petite note féminisme, une petite note anarchisme et tout. Où il y a de tout, il y a des trucs assez pointus que j'ai entendu, tu sais, genre une fois, tu sais... tombé dans une oreille et je me suis dit ça va sortir par l'autre dans 2 minutes, donc je vais l'écrire. Tu peux nous la lire, cette liste? Oh non, j'ai la flemme. J'ai la flemme. En plus, souvent, c'est très mal écrit, c'est-à-dire que parfois, je me souviens plus du titre, donc j'ai juste mis des associations d'idées en me disant, tu sais, je fais merde, je sais plus le titre. Et je l'écris en me disant, si je le cherche sur Google, je pense que je trouverai, tu vois. Ou sinon, j'ai entendu le nom, tu sais, de manière phonétique. Et je me dis, alors je pense que ça doit être ça, donc voilà. Il y a aussi, quand j'ai des articles de presse ou des trucs comme ça, tu sais, puis on te conseille des bouquins, hop, je les mets. Et aussi quand je suis dans une librairie et que j'achète des trucs et qu'il faut faire des choix, et je suis, oh bah la prochaine fois j'achèterai ça, tu vois. Donc voilà, c'est des listes très longues et qui n'ont pas vocation à être terminées, je pense. Donc voilà. Parfois je fais le ménage, c'est-à-dire que ça m'angoisse un peu quand je vois qu'il y a 80 livres écrits, je fais... Est-ce que ça c'est utile? Puis tu sais, parfois il y a 5 livres sur la même thématique et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de lire 5 livres sur la même thématique? Voilà, donc en fait je retire un petit peu, je regarde lequel est le plus généraliste ou le mieux écrit ou voilà. Donc voilà. Et je pioche aussi dedans, mais c'est vrai que mon gros piège à moi c'est la librairie. À chaque fois que j'y passe, je repère des trucs et c'est là où j'achète. Et je n'ai aucune excuse. Parce que c'est cher le livre. Albert Comte-Thévenon, à mon propos, la première édition de La condition ouvrière de Simone Veil. Je voudrais dire aussi la chance qu'ont eu ceux qui la connurent et l'apprécièrent, comme il faisait bon près d'elle quand on avait sa confiance. Un de ses amis m'écrivait il y a peu de temps qu'elle fut plus poète dans sa vie que dans ses œuvres. C'est vrai. Elle était simple, et bien que sa culture générale fût tellement supérieure à la nôtre, nous avions avec elle de longues conversations sur un ton fraternel. Nous la plaisantions, elle riait avec nous, nous demandait de chanter. Et pas toujours des choses très orthodoxes. Elle-même, assise au pied d'un petit lit de fer dans une chambre, sans beauté, qui ne comportait pas d'autres meubles, nous récitait parfois des vers grecs, auxquels nous ne comprenions rien, mais qui nous réjouissaient quand même à cause du plaisir qu'elle y prenait. Enfin, un sourire, un coup d'œil, faisaient de nous ses complices dans certaines situations cocasses. Ce côté de son caractère, qui n'apparaissait pas souvent à cause du sérieux avec lequel elle envisageait d'ordinaire toute chose, avait un charme inoubliable. Non moins séduisante était son absence de conformisme et le souffle de liberté qu'elle portait avec elle. Encore fallait-il l'apprécier. Toutes ces manifestations qui nous la rendaient chère lui valurent d'irréductibles hostilités. Aussi est-ce une joie profonde pour nous de l'avoir aimée quand il en était temps. Car enfin, s'il est relativement facile de l'admirer et de comprendre sa grandeur, lorsque, dans la solitude d'un cabinet de travail, un livre ouvert devant soi, plus rien ne cache sa pensée profonde, il faut bien reconnaître que bon nombre de ceux qui sont passés près d'elle n'ont même pas soupçonné l'être exceptionnel qu'elle fut. Pourtant, à ceux qui l'ont bien connue et aimée, alors qu'elle était incroyante, puis l'ont retrouvée si profondément religieuse, sa vie apparaît avec une unité parfaite, malgré son changement apparent. Le mouvement qui l'a poussée à se considérer et à se traiter comme le plus déshérité des déshérités est contraire à l'aspiration normale d'un être humain ordinaire. Il procède à la fois du désir de connaître le malheur, ce qui est gratuit, de le traduire, ce qui peut être efficace, et du sentiment de justice absolue. Je n'ai droit à rien, puisque tant d'autres êtres n'ont droit à rien. Or, cette tendance était très nette et facilement décelable. C'est elle qui la faisait vivre avec l'allocation d'un chômeur en 1933, et qui la fit mourir de privation et de maladie, seule, sur un lit d'hôpital à Londres en 1943. Si cruelle qu'elle soit pour nous, cette mort est la conclusion logique de la vie que Simone avait choisie. Comme le dit Albert Camus, c'est une voix solitaire, la voix de Simone Veil. Lorsqu'il m'est arrivé de parler à Simone Veil, à mes amis, deux réflexions ont presque toujours été faites. C'est une sainte, ou bien alors, à quoi sert une vie comme la sienne ? En vérité, je ne sais si elle était une sainte, mais beaucoup de révolutionnaires, parmi les meilleurs, ont ce détachement des biens matériels et ce désir de faire corps avec les plus malheureux. On devient révolutionnaire par le cœur d'abord. Chez Simone, cet état d'esprit se haussait au niveau d'un principe rigoureux. Quant à savoir à quoi a servi sa vie, c'est la question essentielle. Pour mon compte, je me suis souvent insurgée contre les privations qu'elle s'infligeait, contre la vie dure qu'elle s'imposait, et encore aujourd'hui je m'insurge en pensant qu'elle a disparu si tôt, en grande partie à cause des souffrances qu'elle a délibérément endurées. Mais n'est-ce pas à toutes ces souffrances gratuites qu'elle doit son extraordinaire pouvoir d'attention, attention qui lui a permis de retrouver dans la poussière de la vie quotidienne le grain de pureté qui s'y trouvait ? N'est-ce pas ces souffrances gratuites qui ont fait d'elle un témoin dont la pureté et la sincérité ne peuvent jamais être mises en doute ? N'est-ce pas elles enfin qui lui ont donné cette admirable compassion qui la rendait perméable à toute misère humaine ? Le grand mérite de Simone est d'avoir mis une harmonie totale entre son besoin de perfection et sa vie, cela antérieurement à toute influence religieuse. Ce besoin de perfection était tel d'ailleurs qu'il l'a empêché d'entrer dans l'Église, qui étant l'œuvre des hommes, porte les stigmates de l'imperfection, tout comme les mouvements révolutionnaires auxquels elle est restée attachée par tant de liens visibles. Les raisons qui nous avaient fait l'apprécier et l'aimer restent entières. Aussi, même si nous l'abandonnons au seuil de sa vie mystique qui nous est étrangère, lui gardons-nous une affection intacte et un souvenir fidèle. Il n'y a pas beaucoup de BD, mais ça c'est juste que j'en lis pas des masses. Bah oui, c'est une bonne raison pour avoir de BD dans sa bibliothèque. Mais c'est pas bien, parce qu'en fait c'est super les BD, mais je ne sais pas par où commencer, je sais pas ce qui est bien, je sais pas quoi lire au début. J'ai les Bad Girls, les 3 tomes. Déjà j'étais assez rassurée, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que déjà les comics, en fait parfois il y en a beaucoup, donc tu te retrouves à commencer un truc et tu te dis « Oh j'en ai pour 25 tomes », non, c'est hors de question. Donc là il y en a 3, c'est pas mal. C'est sympa, Bad Girls, on me l'avait offert, parce que la meuf était rouge, donc forcément... et alors c'est très teenager tu vois, mais j'ai beaucoup aimé, c'était hyper tu sais, genre le petit truc réconfortant que tu lis en 2 heures et tu fais oh c'était trop bien, bon bah j'attends le prochain tome l'an prochain, donc j'ai ça. Voilà, ensuite on m'avait offert une BD sur le féminisme et j'ai la BD aux larmes de gauche qu'on vient de m'offrir. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, j'y connais absolument rien en BD donc j'en ai pas. Et parfois j'aimerais bien en avoir, mais après ça prend de la place, tu vois. Et où est-ce que je les mets dans mon... dans mes... Est-ce que je mets dans la case joli livre, livre que je viens de lire? Et en plus, si je suis déçue, eh ben tu vois, ça me ferait chier de donner une BD. Parce que les BD, souvent, tu vois, c'est des beaux trucs et tout. Ouais, donc, pour les vendre, effectivement. Ah, mais moi je vends pas mes bouquins. Je les donne. Donc bon. Donc ouais, j'ai pas de BD. Qu'est-ce que j'ai pas? Je lis pas en anglais, je lis qu'en français et je me dis que ce serait bien que je fasse un peu l'effort de lire les bouquins dans leur langue originale. Peut-être, alors, si j'en ai un, c'est le bouquin de l'afroféministe Margot Jefferson Negroland qui parle de sa vie, de sa jeunesse, tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tu sais, tout ce qui est l'anglais littéraire, c'est parfois enfin, écrit d'une manière qui se veut tellement travailler que c'est assez fatigant à lire. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je lise plus des ouvrages, tu sais, militants ou même de sociaux. Parce que par contre, des travaux de sociaux, tu sais que. Enfin, des trucs de recherche, des articles universitaires, j'en lis beaucoup en anglais parce que c'est pas du tout de l'anglais très, enfin, ça se comprend facilement. Je me dis, il faudrait peut-être que je commence par ça. Mais sinon, ouais, je lis beaucoup en langue française et jamais dans les langues originales. Je pense que c'est par paresse. Tu sais pas quoi te dire d'autre là. Elle est pas très grande cette bibliothèque, hein. C'est pas ça l'important. Bah oui, mais donc, tu vois, pour que je traite les sujets liés à cette bibliothèque. Puis en plus, c'est des livres récents, donc pour la plupart. Donc, il n'y a pas beaucoup de souvenirs forcément qui sont rattachés de trucs auxquels je pense. C'est pas comme si je te sortais mes malheurs de Sophie en disant Oh, mon enfant, j'ai lu les malheurs de Sophie. Voici ma première édition, voici la deuxième, voici la troisième. Parce que j'ai eu trois éditions différentes des malheurs de Sophie, tu vois. Donc voilà. Peut-être que je ramène les malheurs de Sophie d'ailleurs ici, ce serait bien. Tu peux parler de ça par exemple? Des malheurs de Sophie. Les gens qui sont pas là, et puis voilà. Les livres qui sont pas là. Bah donc, il n'y a pas mes livres de Simone de Beauvoir, comme je t'ai dit. Bah, il n'y a pas tous les livres de mon enfance. Donc, Les Malheurs de Sophie, tous les bouquins de la comtesse de Ségur, globalement, Les petites filles modèles, Mémoire d'un âne, tout ça, tout ça. J'ai pas non plus Les quatre filles du docteur March. Enfin, là, j'essaie de voir tous les bouquins que j'ai eus quand j'étais petite. J'avais beaucoup de bouquins, tu sais, de la bibliothèque verte et de la bibliothèque rose. Que j'avais. Moi, j'avais les vieilles versions, tu vois. Tu sais, celles un peu dures et tout, cartonnées, que tu retrouves beaucoup chez les bouquinistes maintenant. Parce que c'était à mon père et à ma mère. Donc j'en avais beaucoup des comme ça, j'en ai lu plein, mais j'en ai lu des trucs, j'ai lu Les Vacances de Michel, Gilles le détective, hein, j'ai lu des trucs, mais que personne connaît, qui étaient connus dans les années 70, dans l'époque de mes parents, et qu'ensuite je me suis retrouvée à lire des trucs. Ça a beaucoup influencé mes jeux ensuite petites, que beaucoup de gens ne comprenaient pas trop, tu vois. J'ai torché le Club des 5, le Clan des 7, tous les Alice détectives, ça je les ai tous lus en long, en large et en travers, il y en a beaucoup. Voilà, donc je les ai pas pris, on se demande bien pourquoi. Mais il y a un. J'y pense, mais il y a un resto, je sais pas si tu vois, je crois qu'il s'appelle le Club des 5 sur Paris. Et en fait, t'as toute une déco qui se voit un peu régressive et ils ont des armoires pleines de livres de la bibliothèque verte et la bibliothèque rose. Et t'es là, genre. Ils sont là! Et ils ont une odeur hyper particulière, tu vois, enfin, c'est l'odeur du vieux bouquin et que bah, je retrouve parfois dans des bouquins de chez le bouquiniste, mais. Pour le coup, moi, ça me rappelle les livres que je lisais quand j'étais petite. Je lisais aussi Le Carré d'As. C'était cinq meufs qui étaient détectives et qui avaient, genre, je sais pas, je crois qu'elles étaient en fin d'adolescence. C'était assez cool. Il y avait plein de trucs. En fait, je lisais plein de trucs de meufs un peu détectives et tout. Je lisais Les Fantomettes aussi. Puis Bad Girl, c'est aussi un peu ça. Bah oui. Mais moi, j'aimais bien ça quand j'étais petite, hein. Enfin, quand j'étais petite, je rêvais d'être détective aussi. Après, j'ai regardé Véronique et Mars et ça a encore plus renforcé. Non, mais moi j'aimais beaucoup ça, les Alice détectives, j'aimais beaucoup. Le Club des 5, mais j'ai tellement adoré ça, de les lire, j'en ai lu plein. Et ce qui expliquait sûrement pourquoi souvent quand j'allais quelque part en vacances, j'aimais bien me barrer et genre. Tu sais, genre en mode je partais à l'aventure et tout le monde avait peur. Voilà. Annie Ernaux, les années. Selon notre désir et celui de l'État, relayé par les banques et les plans d'épargne logement, on accédait à la propriété. Ce rêve réalisé, cet accomplissement social, contractait le temps, rapprochait les couples de la vieillesse. Ils vivraient ici, ensemble, jusqu'à la mort. Emploi, mariage, enfants. Ils étaient allés au bout de l'itinéraire de reproduction, scellés maintenant dans la pierre par les traites sur 20 ans. Ils s'étourdissaient dans le bricolage et la réfection des peintures, la pose de tissu mural. Le désir de revenir en arrière les assaillait brièvement. Ils enviaient les jeunes qui, dans l'approbation unanime, pratiquaient une cohabitation juvénile à laquelle ils n'avaient pas eu le droit. Autour d'eux, les divorces pullulaient. Ils avaient essayé les films érotiques, l'achat de lingerie. À faire l'amour avec le même homme, les femmes avaient l'impression de redevenir vierges. L'intervalle entre les règles paraissait se raccourcir. Elles comparaient leur vie à celle des célibataires et des divorcés, regardaient avec mélancolie une jeune routarde assise par terre, devant la gare, avec son sac à dos, buvant tranquillement une brique de lait. Pour tester leur aptitude à vivre sans mari, Elles allaient au cinéma seules l'après-midi, avec un tremblement intérieur, croyant que tout le monde savait qu'elles n'étaient pas à leur place. Elles retournaient dans le grand marché de la séduction, se découvraient de nouveau exposées aux aventures du monde, dont le mariage et la maternité les avaient éloignées. Elles voulaient partir en vacances sans mari ni enfant, et s'apercevaient que la perspective de voyager d'être seule à l'hôtel les remplissait d'angoisse. Selon les jours, elles oscillaient entre l'envie et la peur de tout quitter, de redevenir indépendante. Pour connaître son vrai désir et se donner du courage, on allait voir une femme sous influence, identification d'une femme. On lisait la femme gauchère, la femme fidèle. Avant de s'y décider à la séparation, il fallait des mois de nouvelles scènes conjugales et de réconciliations lasses, de conversations entre amis, d'annonces précautionneuses aux parents sur la mésentente du mariage, à eux qui avaient prévenu au moment du mariage, le divorce, ça n'existe pas chez nous. Dans le processus de la rupture, l'inventaire des meubles et des appareils à se partager marquait le point probable de non-retour. On dressait la liste des objets accumulés en 15 ans. Tapis 300 francs, chenilles 10 000, aquarium 1000, glace du Maroc 200, lit 2000, fauteuil Emmanuel 1000, armoire à pharmacie 50. On se les disputait entre valeur marchande, ça ne vaut plus rien, et la valeur d'usage, j'ai plus besoin que toi de la voiture. Ce qu'on avait désiré ensemble, au début de l'installation, qu'on avait été satisfait d'obtenir, et qui s'était fondu dans le décor ou l'utilisation quotidienne, retrouvait son statut initial, oublié, d'objet avec un prix. Comme la liste des choses à acheter, des casseroles au drap de lit, avait établi autrefois l'union dans la durée, celle des choses à se partager matérialisait maintenant la rupture. Elle tirait un trait sur les curiosités et les désirs communs, les commandes sur catalogue le soir après dîner, les hésitations chez Darty devant deux modèles de cuisinière, le voyage hasardeux sur le toit de la voiture d'un fauteuil acheté dans une brocante un après-midi d'été. L'inventaire ratifiait le décès du couple. Le pas suivant, c'était la consultation d'un avocat. La transformation de notre histoire en un langage juridique, qui purgeait d'un seul coup la rupture de ses éléments passionnels, la faisait entrer dans la banalité et l'anonymat d'une dissolution de la communauté. On avait envie de fuir et d'en rester là. Mais on pressentait qu'il était impossible de revenir en arrière, prêtes à entrer dans le déchirement du divorce, la profération de menaces et d'injures, la mesquinerie, prêtes à vivre avec deux fois moins d'argent, prêtes à tout pour retrouver le désir d'un avenir. Quand je suis rentrée chez mes parents la dernière fois, j'ai regardé ma bibliothèque, la bibliothèque dans ma chambre. Tous les petits bouquins qui s'étaient entassés, parce que parfois il y avait quand même des livres cool et je voulais pas aller les remettre dans la bibliothèque de mes parents, tu vois. J'étais en mode, s'il reste ici, sur un malentendu, tu vois. Je peux faire, ah oui, il est là ton livre, tu vois. Et je me suis dit, mais il y a plein de trucs cool là-dedans. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de les ramener, tu vois, juste pour les avoir avec moi? Est-ce que je les relirais pas? Enfin, je relisais beaucoup de trucs quand j'étais petite. L'Harry Potter, je les ai lus 13 fois. Mais tu vois, enfin, les livres que j'ai adorés, même les Jane Irving, je les relis pas. Enfin, maintenant que je suis grande, j'ai pas envie de relire des trucs. Comme j'ai pas envie de regarder plusieurs fois un film que j'ai aimé. Enfin, maintenant, quand, enfin, les Harry Potter, je les ai torchés, par exemple, en film aussi. Mais un livre que j'aime, un film, pardon, que j'aime bien, je vais le regarder, je sais pas, 3 fois max. Je vais pas le regarder en boucle, tu vois, ça, tu fais ça quand t'es petit. Maintenant, ça, je le fais plus. Les séries, parfois, tu vois, j'ai un peu le courage, je re-regarde des trucs. Quand je le fais découvrir à des gens, tu vois, c'est le prétexte. Mais et pour les livres aussi, enfin, quand j'étais petite, je relisais tout le temps les trucs. Même si j'avais plein de livres à côté, enfin, j'adorais les relire. Des trucs, mais des trucs hyper obscurs, enfin, que j'ai lus petite, que personne connaît. Je sais pas, tu vas même pas voir qui c'est, un auteur qui, je crois que c'était une meuf, qui s'appelait Saint-Marcou, qui a écrit un truc qui s'appelle Le Diable Doux. Mais c'est un livre, je sais pas quelle époque il a. Je pense qu'il date du début des années 60. Je me souviens, j'avais une vieille couverture, mais sans image dessus, enfin, un peu tapissée. Et dedans, enfin, les illustrations étaient trop belles. Et ça racontait l'histoire d'une jeune fille qui arrivait sur Paris, qui s'installe avec ses parents à Place des Vosges, parce qu'il tenait une librairie, un truc comme ça. Déjà, c'était encore l'époque où tu pouvais vivre à Place des Vosges. C'était pas non plus, visiblement, les prix les plus exorbitants. Et qui arrivait... sans faire exprès, un jour, devant la librairie de ses parents, et il y avait un film qui se préparait, et le réalisateur, je sais pas, il avait un flash sur elle, et elle devenait actrice. Et en fait, tu suivais son journal intime, et ce livre-là, je l'ai cherché partout sur internet en me disant qu'est-ce qui est devenu, parce que je sais même plus sur l'âge chez mes parents. C'est un livre qui n'a jamais été réédité, qui, je pense qu'il n'a jamais eu à avoir de succès, c'était extrêmement bien écrit, je trouve. Et je l'ai lu, j'avais 10 ans et j'ai dû le lire au moins 20 fois, tu vois. Et ça, mais tu vois, j'aurais pas forcément envie de l'avoir ici, puisque ça me prendrait de la place. et que j'ai pas, enfin j'ai plus envie de lire les trucs. Et les Jane Eyre, je les aime bien parce que ça m'a vraiment influencée, je pense, tu vois, enfin les personnages, ce que j'ai lu dedans, il y avait vraiment des problématiques qui m'ont marquée et qui, je pense, qui ont forgé ce que je suis devenue, ma manière de me, je sais pas, de me construire, le regard que j'avais sur certaines choses. Et mais Le Diable Doux, enfin je l'aimais bien petite, ça m'a donné envie de tenir un journal intime comme elle, mais ça arrêtait là, tu vois. Tu l'as fait du coup, tenir un journal intime? Ouais. Je l'ai pas tenu très longtemps, je pense que ça a dû durer une semaine, le temps de me rendre compte qu'en fait je réécrivais l'histoire de cette fille. Donc voilà, mais j'en ai tenu un toute mon année de terminale. L'année où on s'est connus, mon cher Maxou, enfin, on s'est parlé, puisqu'on se connaissait en première. Et donc, tu vois, il est dans cette pièce. Je l'ai retrouvé chez mes parents, je l'ai pris, je fais « Ah, je vais prendre ça !» Et je l'ai gardé jusqu'à, je pense, le début des mois de la fac de L1. Et il y a plein de souvenirs dedans. Enfin, j'ai gardé des mots, tu vois, qu'on s'était écrit avec les filles en cours, enfin... Et je m'étais... C'est ce truc trop bizarre, c'est que tu crois, en fait, quand t'as un journal intime, que tu vas adorer le relire 10 ans plus tard. En fait, tu le relis et tu te fais « Wow !» Tu te fais « Qu'est-ce que j'écrivais mal ?» Et ensuite, tu te dis « Un ado, c'est vraiment super perché !» Et puis, tu revois les papiers, tu fais « Ah, je lui parle plus à elle !» Ah, c'était vraiment une connasse, en vrai. Et puis, tu le refermes et tu te fais « C'est bien, en fait, que ça reste... » J'étais fière de moi de l'avoir tenu aussi longtemps. Parce qu'en plus, c'était un vieux... Enfin, c'était un vieux cahier pourrave... À la base, c'était un glossaire, tu sais, il y avait écrit des A, B, C, D sur le côté. Mmh. Et en fait, je m'en servais pas de ce truc et j'ai coupé les lettres et j'écrivais dedans. Tu vois, c'est ce truc hyper spontané qui arrivait du jour au lendemain. Je me suis dit, ça va être mon année de terminale, je veux tout garder dedans. Et j'avais vraiment fait ça sérieusement, c'est-à-dire que les premières pages, tu sais, genre, je me présente, je raconte ma vie, je raconte mes histoires d'amour d'avant, mes potes, tu vois, enfin, tu sais, en mode, il faut que les gens comprennent le truc. Comme si un peu on allait le lire après, alors je voulais surtout pas que les gens le lisent. Et je l'ai tenu pendant un bon moment, et après je l'ai arrêté, et je l'ai gardé parce que j'étais super fière. Et j'ai jamais réussi à en tenir un de mes...